Chez Dolbo Auto, venez célébrer les 100 ans de camions Chevrolet avec le Silverado 1500 2018 à cabine double à 176 $ aux deux semaines au taux de 1,5% ou le Colorado 2018 à cabine multiplace et à caisse courte à 183 $ aux deux semaines ou 1,9% au taux de location pendant 48 mois. Dolbo Auto, 1770 Boulevard Wahlberg, au numéro de téléphone 418-276-0580. Monsieur Stéphane Fortin et tout son personnel souhaitent un bon festival de la Gourgane à la population d'Albanel et félicitent les organisateurs. Le propriétaire du magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini, Monsieur Ken Bennett, aimerait souhaiter à toute la population d'Albanel un bon festival de la Gourgane et félicite les nombreux bénévoles qui rendent l'activité possible. Monsieur Bennett vous rappelle que le magasin Canadian Tire est le meilleur endroit pour les articles estivaux. Surveillez nos prochaines circulaires pour les nombreux spéciaux de la rentrée. Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Vous désirez vous évader au cœur de la nature, vous endormir au pied des chutes, en couple ou en famille, et ce, avec tous les services compris? Visitez lechutealour.com et découvrez le site touristique de la Chute à Lourdes, notre camping nature au cœur du lac Saint-Jean. On va, la grande famille des Saguenay de Chicoutimi est en deuil suite au décès de François Gravel. François Gravel qui a évolué dans les années 70 avec les Saguenay, pas mal dans les premières années de l'histoire des Saguenay, de 77 à 81. Et il y a un gars qui l'a bien connu puisqu'il était un de ses coéquipiers à l'époque des Saguenay de Chicoutimi. Vous le connaissez tous. Il est animateur au 91-9 et ancien joueur du Canadien des Nordiques de Québec, Gilbert Delhomme. On va lui parler. Salut Gilbert! Salut, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Je pense que tu as appris la nouvelle, je ne savais pas du tout. Ben oui. C'est là qu'on voit quand même qu'on est très, très petit puis la vie est si fragile. Hein? Oui, écoute, je pense qu'il faut, faut apprécier chaque moment. Écoute, puis François, c'est un gars qui quoi, il a 57 ans, un petit peu plus vieux que moi. Et c'est pour lui, là, tu sais, qui venait de prendre sa retraite en plus, c'est pas drôle, c'est une tragédie. Écoute, c'est pas le fun de voir partir des gars que tu as côtoyés, avec qui tu as joué, tu as eu du plaisir, t'sais, on a voyagé en autobus, on a eu du bon temps, on a eu du succès. C'est pas le fun, qu'est-ce que tu veux? On peut pas. On n'est pas immortel malheureusement, non, mais c'est très, très jeune. 57 ans, c'est trop jeune. Puis, ouais. Il y avait encore un bon bout de chemin devant lui, puis écoute, mes sympathies à toute la famille, à tout le monde qui est touché par cette tragédie. Gilbert, tu t'as joué avec lui, je regarde, parce que moi je le connaissais pas du tout, là, je regarde là, l'article du quotidien de Dave Hensley, puis je suis hockey DB en même temps. T'as joué François Gravel a joué de 77 à 80-81, de mémoire, c'était pas mal les premières années des Saguenayens. C'est un petit peu, les Saguenayens, ça a commencé, je pense, dans les années 73-74, dans ces années-là, là, mais moi, ma première année, c'était la saison 78-79. François était, je pense qu'il avait, moi j'avais 16, lui avait probablement 17. C'est Robert Tessier qui était notre coach, puis il a évolué deux saisons avec François, là. Mes deux premières saisons avec les Saguenayens de Chicoutimi. Puis écoute, c'est un bon joueur de hockey, un gars qui était solide, un bon lancer, un bon ailier gauche. Je me rappelle, parce que dans le temps, il avait une grosse tête frisée, là. Tu sais, dans ce temps-là, les cheveux longs étaient plus à la mode un petit peu dans les années 70, hein, mais écoute, des bons souvenirs, un bon gars, malheureusement, qui nous quitte trop tôt, là. Puis, comme j'ai dit tout à l'heure, là, nos sympathies à toute la famille. Mais Gilbert, l'époque des Saguenayens de 77 à 81, je regarde il y a quand même eu, c'est quand même une bonne équipe. Je regarde les joueurs que Dave Hensley parle ce matin dans le quotidien. Il y avait quoi? Toi, tu as joué avec les Canadiens. Tu avais Guy Carbonneau qui a joué. Tu avais également Alain Lemieux. C'est-tu le frère à Mario, c'est ça? Mario, Alain, qui a joué un petit peu pour les Nordiques de Québec, puis il appartenait au Blues de Saint-Louis également. Normand Léveillé. Oui, malheureusement, une tragédie avec les Blues de Boston. C'est Luc Dufault qui a joué plusieurs années aussi dans la Ligue nationale. Écoute, avant ça, tu as eu Alain Côté qui a joué à Québec toute sa carrière, là, qui est un petit peu plus âgé, là, mais. Les bons joueurs de hockey qui ont passé avec les Saguenay de Chicoutimi, là, puis c'est toute une ville de hockey. Puis moi, écoute, ça a été trois très, très belles années de ma vie. Là, vraiment, là, j'apprécie là, mon passage avec les Saguenayens. Là, du monde extraordinaire. Le meilleur monde au Québec, c'est dans la région Saguenay-Lac-Saint-Jean, sans aucun doute. Puis, je suis pas sûr parce que la station de radio est là, parce que je l'ai toujours dit. Puis, ouais. On accueillant, puis c'est bien le fun de retourner une fois de temps en temps. OK. Mais si on parlait les années, est-ce que vous étiez rendu assez loin? On s'est rendu en demi-finale. C'est bon. Contre les Royaux de Cornwall, ma première saison, on s'est éliminé par les Castors de Sherbrooke rapidement. Okay. Deuxième année, on s'est rendu en demi-finale contre les Royaux de Cornwall, qui ont remporté la Coupe Memorial cette année-là. L'année suivante, on est allé en semi-finale également contre les Braveurs de. Les Braveurs de Trois-Rivières. Ma dernière année, on s'est incliné en 7 matchs. C'est vraiment le Trois-Rivières, encore une fois, c'était en semi-finale. Si on gagnait, on s'en allait en finale pour la Coupe du Président. Malheureusement, c'est pas arrivé, là, mais on a quand même eu des bonnes années, là, parce qu'on avait un bon club, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, il y avait des bons joueurs. Là, ouais. Gilles Hamel aussi qui jouait ouais, à Buffalo. Cette époque-là, qui n'a pas joué beaucoup dans la Ligue nationale, mais qui est un très, très bon marqueur dans le junior majeur. T'as eu des gars de caractère comme Rémi Gagné, Michel Champigny, Gilles Rochon. On a eu des bons joueurs de hockey. Puis, des juniors, tu passes beaucoup de temps avec tes coéquipiers. Hein, tu pratiques tous les jours les voyages interminables en autobus. Ça devient un petit peu ta famille. Oui, c'est ça. Tu crées un lien avec ces gars-là. Puis, quand tu entends des nouvelles comme ça, ben, ça. C'est pas bien ben le fun d'entendre. C'est pas le fun. Malheureusement, c'est la vie, tu vas dire, mais. Ouais. 57 ans, surtout qu'il avait pris sa retraite la semaine passée. C'était incroyable. Ouais. C'est un gars qui a marqué 103 buts au niveau régional. Je veux juste vous dire ça, là. Avec junior régional, junior 2A, il est pas mal tout dans les mêmes ligues. 102 buts dans une saison, c'est quelque chose, là. J'avais tout un tir. François, il était extrêmement puissant, je me rappelle de ça. C'est un bon patineur, c'est un gars qui était solide. Il a eu du succès avec nous aussi, avec les Saguenayens. C'est un gars qui peut-être pas utilisé autant qu'il l'aurait voulu là, par Orval Tessier. Je sais qu'il y avait des fois quelques frictions entre les deux, là, mais c'est quand même tout un joueur de hockey. Oui, c'est sûr. Donc, sympathie, comme tu l'as dit, sympathie à toute la famille. Gilbert, en terminant, donc le 91-9, on recommence le 27 août? On recommence le 27 août, une autre saison, écoute. Il y a eu beaucoup de rumeurs. Est-ce que vous avez... Gilbert, il y a eu beaucoup de rumeurs sur la station. Est-ce que ça n'a pas dû aider non plus hein, pour le moral des troupes? Non, ça aide pas parce que c'est haut dans l'incertitude, mais là, ouais. Écoute, ils ont fait un petit remaniement là, de la grille horaire. Moi, j'étais de 10h à midi. Là, maintenant, je vais faire le morning show de 6h le matin à 10h le matin avec Louis-Philippe Guy. Ouais. Ensuite, il y a Georges Larac qui va rester là. Tu vas voir Jean-Charles qui va être là l'après-midi également. Ouais. Stéphane Gonzalez qui est encore là. Donc, on a perdu deux gros morceaux là, Enrico Ciccone et Michel Langevin. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. Effectivement. Guy, pas Guy, mais Gilbert, un gros merci. On sera peut-être avoir l'occasion de se parler. Ça fait plaisir. Gilbert Delhomme qui commentait le décès subi de François Grévin.